le volontaire. Excusez, c'est moi. L'on prétend que le ministre de la guerre est ici, c'est vrai? Justement, j'ai plus d'une plainte à lui faire. Depuis 3 jours, de mon état, monsieur, si parmi nous vous êtes, apprenez que je suis soldat. Quel métier! 1000 baïonnettes! Vous dire à quel point j'en suis là. Comme ministre de la guerre, vous ne savez peut-être pas bien ce que c'est qu'un militaire. Affreux! J'ai pincé dans 3 jours 20 jours de salle de police. Si cela doit durer toujours, j'en aurai 10 fois mon service. Lundi, j'arrive. Un vieux sergent me dit « Oh là, crémit le tonnerre, c'est qu'on salue donc plus maintenant ?»« Pardon, monsieur le militaire, fais-je alors, mais je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître, et je vous vois du haut en bas sans parvenir à vous remettre. »« Frais 2 jours, sale police crebleu. C'est que ça donc? Votre nom, un peu vite !» Tout abasourdi, voyant bleu, je tends ma carte de visite. « C'est qui m'a donné pareil crétin ?»« Frais 2 jours, m'entendez ?»« Tonnerre !»« Crétin, oui, Tintin !» Et j'ai mes 4 jours à faire. Non, c'est révoltant, quoi qu'on dise, de s'entendre à tous les moments punir à la moindre bêtise par de vulgaires ignorants, par des gens qui, soir et matin, dans un style de télégraphe, viennent vous traiter de crétin sans même y mettre l'orthographe. Enfin, avant-hier, c'est plus fort. L'on nous commande à l'exercice. Vous allez voir si j'avais tort. Portez armes. Belle malice. Moi qui ne suis pas un gogo, tout seul, je reste l'arme à terre. Eh bien, hurle-t-on, grand nigaud, pour quand? Oui, Bernic, petit père. Je n'aurais pas porté plus tôt l'arme que la chose est certaine. Il me faudra tout aussitôt la reposer. C'est pas la peine. Ben, v'lan. Autre punition. Oui. Tenez, on nous crie en face, plus tard... « Droite, conversion !» Et chacun de tourner sur place. Quant à moi, je ne bronche pas. Honte, est-ce ainsi que l'on débauche des soldats? Mon père est député de gauche, honneur à son opinion. À son parti, je me rallie. Qui, moi, faire conversion à droite? Jamais de la vie. Ça m'a valu ni plus ni moins 2 jours de salle de police. Je les ferai, mais néanmoins, je crierai haut à l'injustice. Avant d'entrer au régiment, je m'étais fait, plein de prudence, au colonel sournoisement recommander avec instance. Sitôt l'exercice fini, couvant dans mon cœur ma colère, je demande à monter chez lui pour lui détailler mon affaire. Il me reçoit d'un air grognon. D'ailleurs, c'est toujours de la sorte. « C'est vous qu'on nomme Potiron ?»« Pruneau, mon colonel. » « N'importe, Pruneau, Potiron, c'est tout un. C'est toujours chose qui se mange. Et faut pas faire le malin, savez, crénon, ou je vous range. Vous m'êtes recommandé, vous, par chose que je me rappelle, un de vos parents, Vertuchou ? Ce crétin, comment qu'on l'appelle ? Un nom en off. Ah oui, Trucard. Non, mon colonel, la rusée. » Là-dessus, le voilà qui part, qui monte comme une fusée. « Crénon, la rusée ou Trucard, c'est peut-être pas même chose. Me prenez donc pour un jobard. Faut pas nous la faire à la pause. Quand vous m'aurez bien regardé, coucherez ce soir à la caisse. Allez, maître commandé, vous. Tognerez, faut que ça cesse. » Moi, j'écumais. Ah, c'est cela. J'irai me plaindre. Il devient bistre. « Crénon, prison ce crétin-là. Et pouvez-vous plaindre au ministre ? » Mais certainement que j'irai. Ah bien, si vous croyez me faire peur, et sans plus hésiter, j'ai couru vite au ministère, et me voilà. Vous savez tout, monsieur, et voyez mes supplices. Comprenez-vous qu'on soit à bout devant toutes ces injustices? Bien non, c'est trop d'obsession. Assez du métier de militaire. Acceptez ma démission, et ramenez-moi chez ma mère. »